Sous ta voix, je me perds encore. Chaque souffle m'ouvre des corps. Ton regard brûle, mes lèvres tremblent. Chaque note enfiévrée nous rassemble. Près de ce qu'il murmure à l'oreille, sa voix grave fait plier l'éveil. Nos deux souffles s'enlacent dans l'air. Chaque mot devient incendiaire. Feel my body, feel my flame. Whisper closer, say my name. Through the heat we collide. We burn together, side by side. Born a rhythm carved in sound. Written in truth unbound. Shake the ground. Tes mains voyagent sur mes silences. Chaque frisson devient une danse. Ta chaleur glisse contre ma peau. Chaque mot est déjà trop beau. Ride a skill, m'enchaîne de sa flamme. Sa voix grave s'imprime dans mon âme. Nos deux voix vibrent dans la chair. Chaque note est une lumière. Nos voix éclatent, nos corps s'embrassent. Chaque battement déchiré en l'air. Sous la basse, nos souffles s'élèvent. Chaque désir devient une grève. My body, feel my flame. Whisper closer, say my name. Through the heat we collide. We burn together, side by side. Born a rhythm carved in sound. Written in truth unbound. We are riders, skill eternal. And our voices shake the ground. Chaque mot frôle chaque cri. Sous les étoiles, nos chants s'élancent. Chaque souffle devient tremble. Ride a skill m'appelle encore. Sa voix reprise le décor. Nos murmures glissent dans les terres. Chaque mot s'écrit en lumière. Nos voix frappent, nos corps s'élèvent. Body, feel my flame. Whisper closer, say my name. Through the heat we collide. We burn together, side by side. Born of rhythm carved in sound. Written in truth unbound. We are riders, skill eternal. And our voices shake the ground. Je me perds.